Circuler sans aucun feu dans de telles conditions est aberrant. Quand la visibilité est réduite en raison des circonstances atmosphériques, je dois circuler avec les feux de croisement pour être vu des autres usagers. Et en cas de forte pluie, les feux de brouillard avant peuvent compléter ou remplacer les feux de croisement. Réponse C et D.